Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre rendez-vous avec l'actu locale, le Mag sur Radioactive. Le froid revient, les patins aussi, et à Amboise, ça veut dire une chose, la patinoire éphémère est de retour. Du 7 février au 8 mars 2026, le parking de la fontaine Max Ernst va une nouvelle fois se transformer en grande piste de glisse, avec des animations, des soirées à thème, des nouveautés pour toute la famille. Un équipement qui bien sûr est devenu incontournable pendant les vacances d'hiver, porté par une équipe 100% locale, mais on va y revenir. Pour en parler, on reçoit aujourd'hui dans ce mag Arnaud Debourdel. Arnaud est régisseur général de la patinoire d'Amboise et une véritable mémoire de cette aventure givrée. Salut Arnaud. Bonjour à tous. Arnaud, la patinoire éphémère fait donc son grand retour du 7 février au 8 mars. Il y a quelque chose auquel tu tiens beaucoup et que j'ai évoqué dans cette intro, c'est le 100% local. Oui. Pourquoi ? Eh bien, le local, parce que ça permet à tous les visiteurs de la patinoire d'avoir forcément un repère visuel. Comme je pense par exemple à l'équipe d'exploitation. Très souvent, le fait d'avoir une équipe d'exploitation du Val d'Amboise qui vous accueille à la patinoire, on se retrouve très souvent à croiser un ancien voisin. Des têtes connues, quoi. Des têtes connues, quelqu'un du quartier. Et ça donne une atmosphère... très familial. Mmh. Et puis concrètement, tu travailles sur le montage et l'accueil, souvent avec des jeunes qui sont en lien avec la mission locale, notamment qui ont des suivis mission locale et qui font partie de cette équipe. C'est ça. Toutes les personnes des agents d'accueil viennent de la mission locale. Et ça change quelque chose à l'ambiance et à la façon de travailler, justement, quand on travaille avec une équipe qui est très ancrée sur le territoire, qui est une équipe très locale. Et déjà d'une, ce que je remarque depuis de nombreuses années, ça donne déjà envie à l'équipe que je recrute, ça leur donne une envie de s'investir en fait. Et à chaque fois, je tombe sur des profils qui s'investissent à 100% et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir accueillir correctement des gens d'Amboise et puis d'animer cette patinoire avec moi. Hors antenne, tu me disais que tu as des retours même touchants de certaines personnes qui ont bossé avec toi, qui sont impatients de renouveler justement l'expérience. Oui, je fais un petit clin d'œil à Océane et à Myriam. Myriam qui revient pour sa troisième année, Océane qui revient pour sa deuxième année. Et qui m'ont fait des super retours de vouloir revenir travailler à cette patinoire. Bon, l'équipe étant au complet, on ne va pas s'étendre sur cette question-là, puisque nos auditeurs, ce qu'ils ont hâte de savoir aussi, c'est quel va être le programme de cette année. Je voulais qu'on parle un petit peu des coulisses techniques, puisqu'installer une patinoire qui, on le rappelle, fait plus de 300 mètres carrés sur un parking, c'est pas rien, c'est un vrai challenge technique. Comment ça se passe? C'est quoi les étapes? Alors, l'étape première, c'est la mise à plat du parking avec l'installation d'un plancher bois, un plancher donc, qui vient de Vendôme, pour revenir sur le local, avec donc une équipe technique du Loir-et-Cher. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on installe le chapiteau au-dessus de ce plancher, donc uniquement pour la partie patin. Voilà, l'accueil du public et les locales des patins se trouvent sous chapiteau, et la patinoire est bien sûr à ciel ouvert. On installe à côté de ce plancher bois, on installe un groupe froid, et ensuite on installe tous les accessoires sur le plancher bois, les barrières, les tuyaux, les tapis caoutchouc, etc., etc. On parle de 7 cm de glace. C'est ça. Et alors, encore une fois, la ville mise sur des équipements plus économes en énergie, est-ce que c'est un enjeu important? Je sais qu'on l'évoque chaque année, évidemment. Donc, Bien sûr, déjà d'une, pour faire baisser le coût de la facture du compteur électrique. Aujourd'hui, les nouvelles technologies de production de froid nous permettent de diviser par presque 2,5, voire 3, la consommation globale de l'énergie. Quand je regarde les historiques que l'on effectue chaque année après le bilan de la clôture de la patinoire, je vois dans les historiques passés qu'on a divisé par 2,5 la consommation globale de la patinoire par rapport à il y a plus de 10 ans. Ouais. Alors si la consommation en énergie a baissé, ce n'est pas le cas du public? Parce que, alors l'année dernière, tu me disais, on va peut-être encore battre le record, mais ça n'arrête plus d'exploser ce record. Oui. On était très exactement à 9525 entrées sur la saison 2025. Alors évidemment, la barre symbolique des 10 000 va-t-elle être franchie, selon toi, pendant ces nouvelles vacances? Ça, je sais pas. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, notamment la météo. Je l'espère, je le souhaite. Mais voilà, j'ai un petit souvenir où je me rappelle que cette patinoire, quand j'en ai repris la gestion en 2006, les années précédentes, les fréquentations oscillaient autour de 4000 entrées. Belle progression. Ouais. Qui est-ce qui vient majoritairement à la patinoire? Évidemment, quand on passe, on peut voir plein d'enfants, mais il y a aussi tous les scolaires, les touristes, les familles, les centres de loisirs, les APE, etc. Les APE, il y a des billetteries qui sont installées dans les CE des entreprises. Ouais, on le voit parce que en coulisses, là, dans le studio de Radioactive, juste avant cette émission, Arnaud jongle avec son téléphone à répondre à plein de messages pour organiser justement ce planning de patinoire 2026. Il va y avoir plein d'animations, évidemment, des rendez-vous incontournables, avec des animations habituelles également qu'on va retrouver. Je te propose qu'on en parle juste après en se mettant un petit peu dans l'ambiance avec le titre de Golden que vous reconnaîtrez tout de suite si vous êtes des fans de K-pop. Voilà. Demon Hunters, mais qu'on retrouvera sûrement dans la playlist de la patinoire cette année, j'imagine. Oui. Une inspiration issue des cours de récréation des écoles primaires d'Amboise. Bon, on pense à tous les enfants, mais aussi à toutes les mamans, et qui apprécient ce titre parce qu'il circule beaucoup ces derniers temps. C'est parti. Given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, tried to play both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, cause I got too wild, but now that's how I'm getting paid. Could I see on stage? I'm done hiding, now I'm shining like I'm gonna be. These patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding, I'll be shining like I'm born to be. Cause we are hunters, voices strong, and I know I believe we're going up, up, up. It's our moment, you know, together we're going. Gonna be, gonna be golden. Et oui, Golden sur Radioactive, vous penserez forcément à ce succès qui est Demon Hunters, évidemment, et qui fédère beaucoup les petits et les grands depuis quelques semaines. Donc un titre que vous retrouverez à la patinoire d'Amboise. Nous sommes toujours avec Arnaud Desbourdel. Arnaud, il est régisseur général de la patinoire d'Amboise et depuis un sacré bout de temps maintenant. Je m'occupe de la gestion de la patinoire depuis 2006. Ouais. Donc, il nous a parlé de l'aspect technique juste avant, hein, cette pause en musique. Revenons maintenant du côté des animations, puisqu'il y a plein de rendez-vous, évidemment, entre les élections de Miss et Mister Patinoire, la Saint-Valentin. Est-ce que tu peux nous déployer un petit peu ce programme, en sachant qu'il y a une super animation qui est prévue pour l'inauguration? Oui, l'inauguration des enfants. Qui commence donc dès 9h le samedi 7 février à l'ouverture. On propose aux enfants un atelier sculpture sur glace, qui serait donc une inauguration gratuite. Donc on propose aux enfants de découvrir une nouvelle matière qui est la glace à sculpter. Atelier qui sera encadré par un tourangeau, ouais. Samuel Giraud, qui est double champion du monde de sculpture sur glace. Ouais. En fait, c'est vrai que quand on voit ça, on disait atelier de sculpture sur glace, c'est pas juste les enfants vont regarder faire, ils vont vraiment, eux, sculpter. Oui, c'est ça. Okay. Le prestataire vient avec plein de petits blocs de glace, de mémoire. Je crois qu'il y en a plus d'une cinquantaine de prévus, peut-être même 80 petits blocs de glace qui sont prévus pour les enfants. Donc les enfants auront leur petit bloc de glace qui fait à peu près 25 cm sur 25 sur 6-7 cm d'épaisseur. Mm-hmm. Ça fait un bon gros glaçon, ouais, déjà. Ouais, ça fait déjà un bon support, ouais. Et donc, on proposera aux enfants, il y a différents dessins à leur disposition. Mm-hmm. Quelques outils, et puis bah, ils devront s'amuser à sculpter ce petit bloc de glace. Super. Donc ça, ce sera le jour de l'inauguration, donc dès 9h le 7 février. Voilà. Et puis s'ils n'ont pas trop froid aux mains, ils auront la possibilité également d'emmener ce petit bloc de glace à la maison. Oh, ça va être dur à conserver en revanche, mais c'est une bonne idée. Voilà. Prévoyez un sac plastique ou des serviettes à mettre sur les sièges de la voiture pour éviter de mouiller la voiture. Ok, donc ce rendez-vous-là, qu'est-ce que tu nous proposes d'autre après dans les rendez-vous phares de cette nouvelle saison ? Eh bien, toujours le samedi 7 février, l'après-midi, l'inauguration avec un spectacle animé et présenté par Fernand Frédéric, qui vient nous proposer avec sa troupe un nouveau spectacle qui s'appelle Célébration de l'hiver. Qui est déjà venu à chaque fois, c'est un vrai succès. Hein. Fernand propose chaque année de belles prestations. Le soir de l'inauguration, derrière, on a DJ Rodolphe qui sera sur la glace, au platine, pour nous proposer une soirée ice dance. Voilà. Ensuite, le programme du mois complet, où tous les mercredis de 18h à 20h, nous aurons des animations sportives. Donc dans l'ordre, le 11 février, Ice Foot, le 18 février, Ice Music, le 25 février, Ice Curling, et une nouveauté pour le 4 mars, une animation Ice Trésor. Alors qu'est-ce que ça va être, ça, Ice Trésor ? Ça va être une petite chasse au trésor. Voilà. D'accord. Qui aura lieu sur tout le parking de la patinoire. Mais en fait, on parle d'animation, mais c'est une vraie activité sportive, en fait. Oui. Mm-hmm. Ensuite, les soirées festives, donc tous les samedis soirs de 19h30 à 22h. Le 14 février, soirée brouillard pour la Saint-Valentin. Le 21 février, soirée fluo avec le retour de DJ Rodolphe, toujours sur la glace. Le 28 février, soirée déguisée avec élection de Miss et Mister patinoire. Et le samedi 7 mars, soirée mousse, la fameuse soirée mousse. Et la clôture ensuite de ce programme d'animation, c'est le dimanche 8 mars de 18h à 20h. On fait une petite soirée de clôture avec prise de photos sur la patinoire où vous pouvez venir vous faire, entre guillemets, tirer le portrait sur la glace. C'est génial. Alors évidemment, au fond, au-delà de la glisse et de toutes les animations que tu proposes, qu'est-ce que tu as envie que les gens retiennent en venant à la patinoire ? Que c'est un lieu qui rassemble, par exemple ? Que tu as envie qu'ils repartent avec quoi dans la tête ? Alors, ce que je vois chaque année, et ce qui me motive à me réinvestir à 200% dans ce projet, c'est que chaque année, les gens repartent de cette patinoire avec le sourire. Mmh. Des vêtements mouillés et le sourire. Parfois, parfois il y a quelques pantalons mouillés, oui, exactement. Mais voilà. Quand on disait tout à l'heure que c'était vraiment prévu pour un large public, t'as des patins qui vont de quelle taille à quelle taille ? L'année dernière, tu nous l'avais dit, mais vraiment, tout le monde peut venir, même les papas au grand pied. Oui, oui, oui. Alors, on couvre des pointures de patins du 25 au 48. Et pour les enfants qui chaussent moins que le 25, nous avons des petites patinettes, des patins double lame qui viennent se fixer directement sur la chaussure de l'enfant. Et là, on couvre des pointures du 23 au 27. Alors justement, tu évoques les enfants, il y a un lieu dédié pour eux. Oui, voilà, il y a une petite extension de la patinoire, il y a un petit jardin d'enfants d'environ 35-40 mètres carrés où les enfants peuvent... Ils peuvent évoluer en sécurité. À évoluer en sécurité avant de passer sur la grande patinoire. Mmh. Ça leur permet d'appréhender un petit peu la glace avant de faire des grandes glissades. Et oui. Ok, tout est donc prévu. Et puis, il y a aussi le petit encas à côté avec les prestataires qui t'entourent et qui proposent les crêpes et autres petites gourmandises. Donc, voilà, un équipement qui est porté par une équipe locale, qui est pensé pour tous les publics, avec de la glisse, des animations et puis une vraie volonté de convivialité. Ça, c'est vraiment l'objectif recherché, Arnaud. Exactement. L'année dernière, on a fait 9525 entrées. Mais si l'on doit compter également les accompagnants, cette patinoire rassemble peut-être 20 000 personnes sur un mois. Ouais. Parce qu'il y a à peu près, en moyenne, un patineur... vient avec un visiteur. Mmh. Et la patinoire est très riche de visiteurs qui sont autour de la patinoire à tenir les barrières pour éviter qu'elle tombe. Heureusement qu'ils sont là, dis donc. Tu nous rappelles les dates, les horaires et les tarifs, Arnaud ? Alors, la patinoire ouverte du 7 février au 8 mars, tous les jours. Du lundi au vendredi, 9h midi, 14h, 20h. Le samedi, 9h midi, 14h, 22h. Et le dimanche, 9h, 20h. Et d'ailleurs, le dimanche matin, de 9h à midi, le tarif, il est réduit. Très bien. Voilà, concernant les tarifs, eh bien, l'entrée avec location de patins, 5€. Si vous avez vos propres patins, l'entrée de la patinoire sera 3,50€. L'entrée avec location de patins par 10 entrées, on est à 40€. Il y a des petites locations de chaises luge à disposition. La location est 1€ plus 1€ de caution, qui vous seront rendus bien évidemment. C'est le principe de la caution. Et n'oubliez pas vos gants. Les gants sont obligatoires pour pouvoir rentrer à la patinoire. Et si jamais vous les avez oubliés, vous n'en avez pas, on en a à vendre à 4€. Très bien. On rappelle également que Radioactive sera partenaire de l'événement, comme chaque année. Et les auditeurs, en répondant à la question de notre jeu concours, pourront peut-être repartir avec une place pour venir patiner et te rencontrer, Arnaud. Exactement. Parce que tu seras là, t'es toujours là, toi. Je suis là quasiment tous les jours. Très bien. Petite subtilité cette année également, c'est que sur le flyer, on retrouve un QR code sur lequel on peut accéder à la billetterie. C'est ça, cette année, il y a une billetterie en ligne où vous pouvez acheter vos places. Donc, sera à disposition en ligne les entrées à 5€ ou les entrées à 3,50€, donc qui correspondent dans l'ordre à l'entrée avec location de patins ou l'entrée avec vos patins personnels. Mmh. Et donc, sera généré un petit billet QR code que vous pourrez avoir sur votre téléphone en arrivant à la caisse de la patinoire. Plus besoin de sortir d'argent, vous présentez votre téléphone, nous on vous flash le QR code sur votre téléphone. Pratique, rapide, parfait. Exactement. Très bien. Ben, merci beaucoup Arnaud. À bientôt. À très bientôt. À très vite sur la piste. Exactement, merci d'être passé dans le mag et on se retrouve très vite, nous, pour une nouvelle émission dès 18h chaque jour, comme vous le savez, sur Radioactive pour le mag. Et on rappelle aussi également, avant de raccrocher, que vous pouvez retrouver toutes les infos sur la patinoire sur le site de la ville d'Amboise, www.ville-amboise.fr. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.